puis j'en fais de la boucherie. Je rêve de me farcir un poulet au riz pour le vomir sur la police d'Oristerie. Rébellion, la liste est longue, je connais la case chez AV. Car ici trop de poussées AV, c'est plus. Je m'attends même le jour de mon jugement dernier. Avant l'heure, je me dois de jouer franc jeu, leur donner des noms étranges. Frangais n'ont pas faux cul, faut pas qu'ils sachent les énormes projets qui sont pas sur leur rapport. Qu'est-ce qui importe, je couche avec la fille du commissaire ou d'envoyer de civils, voir ici comme on sert. Leslie, ils sont haineux, avec leur image qu'ils traînent. Ils ont du temps pour défaire les nœuds, anticiper les endroits, mal reine, chacal scène, pas de veine, se choisit pas son métier. Tout pour briser les chaînes, pas le crâne, faut pour vous métier. Menoter bêtement ma fierté, ils veulent me loter. Loter mes boules, mais je suis pas votre poule, bande de PD. On n'a pas les mêmes valeurs quand t'as besoin d'eux, jamais ils arrivent à l'heure. Moi je suis qu'un mec errant, eux des mécréants, vu que le chitan est ancré en eux. Dans les halls, contrôle sur contrôle, mais je m'en bats les temps que j'ai pas le contrôle du guignol. Rien de ta foutre que de se foutre leur gueule, c'est pas tard que je joue les Rambo. Police gang à cause de votre matraque, j'ai plus la police. Fox le mic ici pour que les bavures abolissent. Faut attention à la version de ta déclaration dans la dérogatoire. On sait que t'es bavard, moi, faut confondre face à un terreau à toi. Ce morceau est pour ceux qui guettent avant les îlots, tiens, coup de pavé. Non pas pour ceux qu'on bavé ou craché le morceau. Comptez sur la CIA pour me faire taire. Dans le fer pêche des balles, comme dit pas qui crève tout sort, ils auront des balles. Nique les CRS, les gendarmes, la faire refaire la PAC. J'ai ce que je riche, mais nique sa mère. Emmenez-le, dans notre car, mettez-le à poil et lâchez les ping-pong. Vous lui mettez une bouteille dans le bout. Je me mets tous dans le même sac, les condés j'ai la N5. Putain j'ai peut-être besoin d'un médecin. Je prends tout ce que j'ai au MIC car c'est tout ce qui me reste. Voir un cup pour moi ici ça patte, ça me ferait surplé comme voir un skinhead. Ce qui me trotte dans le crâne, si tu savais tu m'esquiverais. Ivré livré à la rue quand les storms questionnent, j'ouvre pas mes lèvres. Soldat armé d'un automatique 5 doigts à ta guise. Si je m'éveille, il m'irrite, plaise autant que ta femme quand je lui glisse. Dans le coin à droite, les cups font partie du décor. Mais ce suicide poulet prépare ta corde, je coupe tout sympa. Si tu n'es pas d'accord, restez distant. Face à mes dièses, ne dis pas qu'il faut qu'on se tèche. Joue pas les mecs qui battent, qui n'écoutent pas tes pulsions carrément distants. Me dire c'est fils de ça a foutre de nous pister, anti-tease des allumeaux, fusil d'assaut. Je te fais pas dessin, tu es 160 ici, y'a pas de dessin. Emmenez-le, mon autre car, mettez-le à poil et lâchez-les. Pitbull, vous lui mettez une bouteille dans le cou. Oh, brûlez-le, oh, abattez-le, oh, tabassez-le à coups de batte, butez-le. Je l'avais assez, leur gueule j'en ai assez. Je réveille mon orgueil sur un son hip-hop anti-robocop. Face à leur flashball, j'ai ma clique mania en fusil d'épaule. C'est déjà assez, j'ai sorti, je suis pas criminel, mais plus de toc sale. Dans les blocs sales, la police dit donc la force de l'ordre, c'est paradoxal. Contrôlé, ça casse 6 fois par jour, obligé m'énerve, il faut que j'y gère. L'Afrique, j'ai l'allergie. Et vu que mon réseau s'élargit, faut rester discret, non pas marcher dans leur jeu. Fuck les RG. Mission quand je pipi en bas de la tour, tellement parano que j'ai le coup tordu. Pour des coups tordus, le jet est planqué dans le buisson. Je joue au chat et la souris, manque plus qu'on en serre un pour la serrer. Tout on sait que vous êtes tous pourris, tous pris par l'engouement d'instaurer la paix. Mais vous n'aurez jamais le respect, engouement, peut-être même vous y resterez. Car très peu d'issue, garde mes positions, mal code pénal, je chute, suis en diep, on peut voir pas les yep. Joue pas le def, pété son dans ton caisson à répétition. Crache sur les cuissons, mets-leur la punition. Moi je suis libre à boire, touche du bois à ce qui m'ont coffré. Car j'hésiterai pas, si l'occasion s'offre à moi. Avertissement à ceux qui boycottent nos divertissements. Pour ma place, des pères, ceux qui ont goûté le ciment. QNQS 160, ton bitch représente les hauts dégradés. On baisse le foot qui s'ilotier, je coupe plus au gradé. En uniforme avec une arme, tu te permets beaucoup d'écart. Chaque fois que tu portes ton affiche star, à l'écart des jeunes, tu n'as aucun respect. Tu nous contrôles tous en fonction de notre aspect. Tu souhaites souvent lors d'un contrôle que l'on fasse ça faut pas. Afin de pouvoir te lâcher, mais avec nous ça faut pas. En civil, tu sais comment ça se passe. Si quelqu'un te reconnaît, t'as même pas le temps de dire ouf que tes jambes ont les casse. Fort, combien de fois t'as passé tes nerfs sur un petit peu. Un petit peu d'alcool dans le sol, tu te sens courageux. Tu rentres bien sur homme, mais quand tu te seul, tu fais comme tout le monde, tu les veux, tu fermes ta gueule. Combien de soirées tu as baisé. Contrôle d'identité qui tourne notre âme si on n'a pas les yeux baissés. Mais on t'emmerde, nous, c'est la tête haute que l'on marche. Nous, si on baisse ton pantalon, c'est pour te la mettre. Nous, on est haineux car on a grandi dans la merde. Avis aux forces de l'ordre, nous, on vous emmerde.